Puis après, vous êtes mariés. Oui. Et vous êtes venus donc ici à Yarmouth. Sur une autre, sur l'exploitation. Voilà. Celle qui intéresse là. On n'a pas changé, j'ai pas changé de métier en fait. Vous n'avez changé, ouais, d'accord, c'est ça. Vous n'avez jamais changé de métier. Donc vous êtes arrivé ici en 66. Oui. D'accord. Et vous étiez donc la femme de Jean qui était, on disait quoi, le patron? Non, il n'était pas encore le Le patron, patron. c'était son père qui était toujours patron. D'accord. Oui, quel statut il avait? À l'époque, il était aide familiale. Ah, c'était ça, c'était l'époque, ça. c'était aide familiale. On disait pas, il n'était pas commis, il n'était Ah, non, pas. non, non, non, non. Non, non, il était aide familiale. Mais est-ce qu'il y avait des commis? Oui, il y en avait deux à l'époque. Il y avait un poisson. Oui, il y avait un procès, Un poisson out? oui. Oui, Plus un d'accord. commis. Plus un commis. Oui. D'accord. Plus des journaliers. Oui, Ah? il y avait ça aussi. Des journaliers agricoles. Quand vous êtes arrivé, il y avait tout ce monde-là à la ferme. Oui. Il y avait une sacrée tablée. Ah oui. Puisque tu te rappelles avoir épluché les pommes de terre, Oui, la première fois que on remplissait la marmite et il fallait encore et encore et encore. J'étais avec ma belle-sœur, donc un des premiers jours, je suis arrivée, elle m'a dit, on va éplucher les pommes de terre. Ben, je dis, attends, mais tu vas ça dehors au soleil. Ben, je dis, on n'a pas fait assez, quoi. Non, parce que quand même, chez moi, on était à 7, j'avais épluché les pommes de terre pour beaucoup de monde, je trouvais que c'était pas mal, mais ici, c'était encore pire. Ah bon? Oui, manger des patates. Ah, ouais. Mais ils mangeaient le repas du midi, mais pas le repas du soir ici. Ils dormaient ici, les. Les journaliers. C'était non, ils partaient le soir. Oui, partait le soir. Et les commis étaient logés sur place. Mais celui qui était là, à l'époque, ne l'était pas. Il rentrait chez lui, il habitait là, du côté du Hobby Patient. Ouais. Et le poisson, il dormait sur place. Ouais. En tout, ça faisait combien de personnes? Oh. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, bon. Et quelle surface faisait la ferme? Ça, c'est François qui saura dire. Ah ouais, oui, bon, la ferme là ici, oui, c'était pas un héritage, un achat, la ferme ici. Garnelé, c'est une C'était propriété de la famille familial. Trélu depuis 1695. 1695, propriété de la famille Trélu. Trélu. Donc, je suis la 12e génération de Trélu. Douzième. 12e. Oh, je crois que c'est. Non, non. Ouais, enfin, la 12e génération de Trélu, mais la 10e à Garnelis. Et est-ce comme Pierre demandait, quelle était la taille de la ferme quand vous êtes arrivé et quelle est la taille de la ferme maintenant? Ça, c'est François qui va dire. Garnelis fait 42 hectares. Normalement. Aujourd'hui. Bon, maintenant, moi, j'en exploite près de 100. En location. En propriété. En propriété. Un peu partout. Enfin, un peu partout. Non, enfin, c'est autour de Garnelis. Parce qu'en fait, il y a une autre. Y a la ferme du Carré, qui est un héritage de ma grand-mère paternelle. Et donc en fait, quand le dernier fermier a eu son congé, donc mon père a repris l'exploitation en faire-valoir direct du Oui. Carré. Et ça, c'était début des années 70. Donc ça, donc assez agrandi déjà, même du temps de Jean, quoi. Ah oui. Oui. Bah, à l'époque, c'était une grande ferme. Il y avait Oui, plus de 70 hectares. ouais. À l'époque, quelle époque? Bah, à partir du moment où donc on a réexploité en direct le Carré, donc le début des années, ça doit être en 72 ou 73. Donc déjà à cette époque-là, on exploitait 72 hectares. Ce qui était grand pour l'époque. Ah ouais.